avais raison, ma chouette. C'est une vraie belle journée pour la pêche. Est-ce que je peux conduire, papy? Laisse-moi nous sortir du port. Tu prendras ma place dans le chenal. OK. Papy, qui est-ce qui t'a appris à naviguer? C'est mon père. C'est mon père Louis qui m'a montré. Il s'appelait Louis comme papa. Oui, c'est une tradition dans la famille. Les fils aînés s'appellent toujours Louis ou François. Depuis 10 générations, peut-être même plus. Wow, 10 générations! C'est loin, ça! Tiens, prends la barre. J'aime ça, conduire le bateau. Je me sens comme un capitaine pirate voguant à l'aventure. À l'abordage! T'es pas mal pirate, c'est vrai. Presque autant que moi à ton âge. Est-ce que tu faisais beaucoup de bêtises quand t'étais petit? Des bêtises. C'est un petit peu exagéré. Disons que Germain puis moi, on aimait bien ça jouer des tours. Germain... Le Germain qui a disparu? Ouais. C'était mon meilleur ami. On a fait les 400 coups ensemble. Et je crois même que c'est pour ça que j'arrive pas à croire à sa disparition. D'après moi, c'est encore un de ses tours. Son dernier puis son meilleur. Tu l'aimais beaucoup, hein? Ouais. Germain, c'était pas seulement un bon marin. C'était le gars le plus malin et le plus drôle que j'ai jamais connu. On en a joué des tours tous les deux. Comme quoi, papy, raconte-moi. Oh, je suis pas sûr que tes parents seraient contents que je te raconte ça. Oh, raconte-moi, s'il te plaît. Ben, après tout, pourquoi pas? Quand j'étais enfant, la religion, là, on rigolait pas avec ça. Mais Germain pis moi, on n'a jamais été ben, ben impressionnés par les discours de M. le curé. La sœur de Germain, par exemple, qui était un peu plus vieille que nous autres, elle apprenait ça très au sérieux. Elle était en admiration devant le curé. Puis ça, ça énervait ben gros Germain. Il aimait pas le curé plus que moi, vu qu'il nous donnait toujours des coups de règle sur les doigts pendant les cours de catéchèse. Un jour, il a gagé avec sa sœur que le curé avait des mauvaises mœurs et qu'il dormait pas tout seul. Ça fait qu'un bon soir, on est sortis de chez nous en cachette et on s'est retrouvés tous les trois dans la vieille grange en face du presbytère. On est montés dans le fanny. Là, par la petite porte, pour rentrer le foin, on avait une vue parfaite sur la chambre de M. le curé. Il est entré dans sa chambre en chemise de nuit. Il s'est glissé dans son lit. Il a soufflé la chandelle. Et après, papy, qu'est-ce qui s'est passé? On a attendu un petit peu dans le noir. La sœur de Germain a commencé à bougonner, à dire qu'on avait menti puis qu'elle voulait s'en aller. Mais tout d'un coup, on a entendu un hurlement terrible qui venait de la chambre du curé. La sœur de Germain a eu tellement peur qu'elle a sauté en bas du fanny. Elle n'a même pas pris l'échelle, puis elle s'est sauvée en courant. Mais c'était quoi ce cri-là, papy? As-tu vu, toi? Nous autres, on a juste eu le temps de voir la chandelle s'allumer avant de dégarpir et de voir le bon monsieur le curé se débattre avec un gros homard qu'il avait d'accroché après sa chemise de nuit. Un homard? Mais qu'est-ce qu'il faisait là? C'est Germain qui l'avait mis là dans l'après-midi, pendant que la servante me faisait un pansement. Je lui avais dit que j'étais tombé en bicyclette. En fait, c'est le homard qui m'avait pincé la main. Il m'a presque coupé le doigt. Regarde, j'ai encore la cicatrice. Hein, ça a dû faire mal. Ouais, mais ça valait le coup. Est-ce que vous vous êtes fait prendre? Non, mais je crois que le curé nous a reconnus quand on s'est sauvés parce qu'il nous a donné encore plus de punitions après ça à la catéchèse. C'était pas bien ben gentil de sa part, si on pense au beau lunch qu'on lui avait apporté. Puis la sœur de Germain, elle a rien dit? Non, elle a eu bien que trop peur. Faut dire qu'elle a jamais vraiment su ce qu'il y avait dans le lit du curé. Elle s'est sauvée trop vite pour le voir. Après ça, c'était difficile de dire de qui elle avait le plus peur. Du curé ou de Germain et moi? Puis vous en avez fait d'autres, des coups comme ça? En masse. Nos mères ont failli virer folles. Je peux te dire que on s'est fait traiter de pirates plus qu'une fois. Oh, mes petits pirates, attendez que je vous attrape! Est-ce que c'est de là que vient la chanson? Je sais pas. C'est ma mère qui me la chantait. J'imagine qu'on n'était pas les premiers à aimer jouer des tours. Tu sais, avant, il n'y avait pas la télé et les ordinateurs. Ça fait qu'on trouvait d'autres moyens pour s'amuser. En tout cas, la mère de Germain aussi, elle connaissait la chanson. On la chante-tu, papy? OK, commence, je te suis.